On the rocks, même à l'envers, on the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Regarde, tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you love it. Wow! On the rocks! Wow! J'ai une pêche, les gars. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu de On The Rocks. Comme tous les lundis soirs, ou presque, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, mais cette fois, ça y est, nous sommes là. J'ai un son bizarre dans mon micro, ça y est, je le règle. C'est Manu, donc, comme tous les lundis soirs, ou presque. Et ce soir, je ne suis pas tout seul et ça me fait bien plaisir. Je suis très heureux de vous retrouver, messieurs. Bah nous aussi, carrément. Salut. Je suis avec un groupe qui est déjà venu poser ses valises ici même dans les studios et ils reviennent. J'ai vraiment un son étrange, je ne sais pas pourquoi, mon micro, voilà, je vais le mettre comme ça. Et ce groupe n'est autre que les Celtic Vagabonds qui sont là et qui sont là avec leurs instruments de musique, avec leurs cheveux. Oui, aussi. Mais pas avec leurs lunettes. Et je suis un peu déçu au niveau lunettes parce que sur la pochette de l'album, les lunettes tuent quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, je les ai rangées. Mais en tout cas, la musique sera là et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Il y aura des morceaux live. Il y aura aussi un morceau et peut-être un ou deux morceaux du dernier album qu'on va décortiquer ce soir et qu'on va vous présenter dans On The Rocks. Très, très bel album. Et on va commencer cette émission par le coup de cœur, comme d'habitude, avant d'écouter un premier morceau de l'album. Le coup de cœur, c'est un extrait du dernier album des Waterboys qui est sorti. Alors voilà, les Waterboys, peut-être que vous connaissez ceci. Ils sont passés par plein de chemins différents, des chemins un peu celtiques aussi parfois. Ouais, carrément. Et là, ils reviennent avec un album entièrement à la gloire de Dennis Hopper. L'album s'appelle tout simplement Life, Death and Dennis Hopper. Donc on va se passer un extrait. Tout simplement. On va se passer un extrait de cet album et eh bien à la fin du morceau, il y a quelqu'un qui participe au morceau et qui alors qui parle, hein, il joue pas, il chante pas, il parle, mais c'est très très efficace, je trouve. Vous allez sûrement le reconnaître si vous ne le reconnaissez pas. Je vous en parle juste après. Voici donc le coup de cœur ce soir, Waterboys, Bruce Springsteen. Je l'ai dit trop tard. Dans The Rocks. c'était le jeu. Merci d'avoir joué. Le morceau s'appelle Ten Years Gone et bah vous allez voir, le boss est assez, assez efficace sur ce morceau. Et juste après, bah ce sera du Celtic Vagabond. C'est parti, ça s'appelle On The Rocks. that old magic to the table. 10 years gone. On a coutume de penser que les extraterrestres arrivent généralement à New York ou à Los Angeles. Mais peut-être qu'ils arrivent en Irlande, au Pays de Galles, ou même à Orléans, ou même dans les studios ce soir. Et qui nous apportent de la bonne musique. C'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cet album des Celtic Vagabonds que vous venez d'entendre. Vous comprenez pourquoi je suis très heureux de les recevoir ce soir, parce que sacré bon album. Le premier était déjà quand même pas mal, hein, on est d'accord. Mais ce dernier album, vraiment, moi, m'a enchanté. Fried Chicken, combien d'entendre et tiré de cet album. Quel morceau, messieurs, quand même, ce morceau. Incroyable. Oh, ouais. Merci. Ah, moi, il m'a scotché d'entrée et je l'écoute un petit peu en boucle depuis que je prépare l'émission. Ah bah, trop bien. Voilà. Ça, très, très bon morceau. Alors, vous allez vous présenter quand même ce qu'on cause. On cause, mais les gens n'ont pas les images en couleur. Donc, on va commencer par le patron. Peut-être. C'est lui. C'est qui le patron déjà? C'était exactement un test pour voir qui allait parler en premier. Let's go. Vous vous êtes pas fait avoir. C'est toi qui as parlé en premier. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui m'as pointé du doigt en disant ouais, c'est lui là. Allez, hop. Moi, c'est Patrick. Voilà. Ouais. Donc, chant, violon, banjo, guitare. Voilà. D'accord. Voilà. Ça arrête là. Je danse un peu des fois. Ouais. Si, danse très bien. Je sifflote de temps. Non, c'est moi qui siffle. Ah, ouais. Alors toi donc? Alors moi du coup c'est Amos. Amos. Ouais. Donc clavier, whistle et sifflement effectivement sur un morceau. Et oui, c'est important de le signaler. Et moi c'est Nino, je fais la batterie. Et donc beaucoup de batterie sur cet album. Puisque pas beaucoup de batterie sur certains morceaux qui ont été repris avec une batterie en vrai. Ouais. Ben oui, on avait créé le premier et deuxième album avant Nino est venu dans le groupe, en fait. Ouais, c'est le deuxième album, on était en train de finir pendant qu'on jouait avec Nino. Alors, on avait envie de refaire quelques morceaux avec la batterie. Plus les nouveautés, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc Nino est incontournable désormais. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai. C'est sûr. Alors il y a cet album avec cette pochette. Alors est-ce que tu dessines aussi? Oui, c'est ça. Patron, oui. Tu dessines aussi. Merci. Okay, voilà. Donc allez voir le site quand même des Celtic Vagabonds. Je vous l'avais déjà dit lorsque vous étiez venu il y a 75 ans. Je me souviens plus quand est-ce que vous êtes venu. Ça me paraît très loin. Oui, très longtemps. Ouais. Au moins 2 ans. Je sais plus. Mais vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours aussi fringant. Et donc, allez voir le site. Il y a vraiment des belles choses à voir. Alors, il y a des choses à ouïr, mais il y a des choses à voir vraiment assez géniales. C'est un groupe assez complet que l'on reçoit ce soir. Ils m'ont même apporté des petits morceaux à eux qu'ils aiment bien. Alors, des morceaux de l'album, bien sûr, qu'ils vont jouer, mais des morceaux qu'ils aiment bien. On va quand même toucher un mot du morceau qu'on vient de passer là. C'est quoi l'historique de ce morceau un petit peu? C'est un des plus rock entre guillemets, mais toujours avec cette petite touche surprenante. Ça prend le contre-pied tout le temps, toutes les 2 minutes, quoi. Le petit banjo, Le coup de banjo, ouais. C'est ta compo, donc. Oui, c'est un compo. On a collé le banjo assez récemment. C'est une chanson qu'on jouait pas mal sans le banjo, et je voulais chercher un petit côté avec un instrument de trad jeté dedans. Et on a trouvé ça. Ça, c'est un air traditionnel irlandais. Hein. Ouais, On a juste, et ça collait bien. Alors, voilà. À chaque fois que le banjo revient, c'est une bonne surprise. Qu'il y a un pote qui revient. Ah, bah, rentre! Installe-toi! Exact. Ça fonctionne très très bien. Dans la lignée de ce que vous avez fait, on va retrouver, si on aimait ce que vous faisiez sur les albums précédents et en live, on retrouve avec cette musique celtique mélangée à d'autres choses, c'est une sorte de fusion avec ces voix parlées, ces petits intermèdes, etc. Mais je trouve l'album plus varié et plus abouti. Oui, c'est sûr. Celui-là. Carrément. Ah, moi, je suis d'accord. Imaginez que je dise l'inverse. Pas varié du tout et pas du tout abouti. Non. Je suis sincère. Je le pense tout à fait. Vous l'avez senti à l'enregistrement qu'il y avait un gap qui avait été franchi sur l'album. Hein. Je parle pas sur les compos et sur le live, mais sur l'album. Moi, oui. Perso, oui. Après, je sais pas si les collègues aussi, mais à titre personnel, oui. Moi, j'ai senti un step avec ce nouvel album, surtout vu qu'on a pris une direction plus rock. Ouais. C'était déjà très rock ce qu'on faisait, mais là on a vraiment voulu mettre sur le devant de la scène les compos de Patrick, qui sont des compos rock, et de vraiment dire, certes on fait des arrangements de mélodies celtiques, mais on est avant tout un groupe de rock, et je trouve que ça ressort vachement. Bien malin qui peut mettre une étiquette là, du coup, sur l'album. Ouais. C'est très français de mettre des étiquettes, mais là, je pense qu'elle valse. Il y a ce fond celtique qui est là et qui est extrêmement efficace en live. Mais cette énergie, peut-être vous avez voulu mettre l'énergie du live vraiment dans le disque ou? Ouais, je pense que c'était, ça faisait partie aussi, je pense. De pouvoir amener d'avoir la batterie, ça rajoute effectivement un côté live, c'est sûr. L'énergie, parce que il y a de la batterie programmée dans l'ancien album. Mmh, c'est ça. Mais là, d'avoir une batterie live avec un vrai batteur qui, du coup, c'est plus vivant, c'est sûr. Et du coup, ça ressemble plus à ce qu'on fait en live, c'est certain. Vrai batteur avec deux bras. Ouais. Deux bras, deux jambes. La preuve en image. Bon, très bon album qu'on va se visiter. Vous me faites le plaisir de m'avoir amené quatre morceaux live. Il y en aura un dans pas tard, mais d'abord, un de vos choix musicaux. Alors, c'est le patron qui a dégainé le premier hier soir. On s'est parlé un peu tard. En fait, il y a eu un échange de mails. J'attendais son mail qui était arrivé depuis des lustres. J'ai dit, mais quand même, c'est il. Et bon, voilà, on s'est un peu loupé. Mais hier soir, on a été efficace quand même. Oui, Patrick. Là, franchement, c'est un peu de ma faute sur ce coup-là. Et donc, tu as choisi un morceau d'un groupe que j'adore, d'un album que j'adore. Donc, forcément, ça va bien se passer. Je te laisse annoncer ce que tu nous as choisi. C'est un groupe qui s'appelle Calexico et la chanson, c'est El Picador. Ouais, c'est pas tiré des derniers albums, hein, c'est un album assez ancien. Ouais. Mais là, on n'est pas celtique, on est mariachi, là, plutôt. Là. Ça, pour moi, c'est le fusion, mais avec un autre style que c'est celtique. Ça. C'est la même démarche, mais assez loin de l'Irlande. Ouais. Vous connaissiez, vous aimez aussi ou pas? Du coup, moi, j'ai découvert récemment parce que Patrick m'a fait écouter, mais autrement, non, je connaissais pas du tout. Ouais, là même, je connaissais pas du tout. Alors, je vous envie parce que là, vous allez découvrir une mine d'or. Là, il y a des merveilles à non plus finir. Voilà, Calexico, c'est un choix de Patrick avec El Picador. Et puis juste après, ce morceau, si ça vous va, il y aura un premier morceau live tiré de l'album qui sera No Gold in California. Mais vous allez nous raconter un petit peu de quoi parle ce morceau après. C'est parti, ça s'appelle Calexico, c'est dans The Rock, c'est ce soir, c'est Celtic Vagabond qui sont au micro pour une heure et demie. Quel bon choix du patron. C'était Calexico avec El Picador. Ça fait bien longtemps que j'avais pas diffusé du Calexico, donc merci pour ça aussi. C'est... au plaisir, au plaisir. Ça fait du bien. Ils sont venus en paix, ils sont venus en musique et ils vont nous jouer un morceau justement de cet album qui s'appelle We Come in Peace. C'est l'album précédent, c'est celui-là. Exact, ouais. Et est-ce que vous savez faire ça avec vos doigts comme Dr. Spock? Oh, très fort. Ah ouais. Ah ouais ouais, OK, d'accord, c'est bien eux. C'est bien eux, les doigts à la monsieur Spock, c'est bien les Celtic Vagabonds qui sont là. Donc on commence pas par un morceau du dernier album, on commence par un morceau du précédent. Mais pourquoi donc? Moi j'ai complètement oublié sur quel album c'était. Non, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait sur scène en fait. Donc et puis on s'est dit que c'est un qui marcherait bien avec Caronne, clavier, guitare dans le studio là. Et donc, ça, je pense que ça suit bien à Calexico, le morceau. Oui, en plus, oui. Bah oui. C'est le sens de l'enchaînement. Ouais. C'est un métier. Ouais, hein. Voilà. C'est parfait. Bon, je vous laisse les clés quand vous voulez, tranquillement. Allez. Voilà. Ok. Be sure to wear flowers in your hair, but you won't find any gold in California, though they say there's gold over there. Take a trip down the Pacific Highway. Take it all the way down to L.A. But you won't find any gold in California. And if you did, what would you do with it anyway? A prison in San Quentin where Johnny Cash never stayed, but you won't find any gold in California, though they say that's where fortunes are made. There's a town called Bodie, it's a ghost town. You won't need your pistol there no more, but you won't find any gold in California. And if you did, what would you use it for? Go to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, but you won't find any gold in California, but go look for it if you dare. just a serious man who doesn't want to show a serious hand. If I could trade this endless dread for anything my mother said, everybody lives dans The Rocks, vous n'en doutez pas vu ce que vous entendez. À l'instant, c'était une nouveauté, ça s'appelle Soltero, c'est le projet de Tim Howard avec Serious Man, pareil, un morceau qui m'accompagne là depuis quelques jours, qui fonctionne très très bien. C'est frais pour le printemps. C'est très frais. Et puis juste avant, encore des gens sérieux, puisque c'était les Celtic Vagabonds qui nous ont livré et nous ont fait l'honneur du premier morceau, No Gold in California, avec bah voilà, un petit clin d'œil à Scott McKenzie et à Johnny Cash. Et il y a un petit riff de guitare qui pouvait rappeler le Working Class Hero de John Lennon aussi, un petit peu. Okay. Est-ce que vous aimez ça dans les morceaux, tisser des liens entre des artistes passés, des morceaux passés, sorte de fusion, on ne sait plus où on en est. Oh, carrément plus que ça, moi je vole. Je vole les lignes guitare, c'est tout. Ouais. C'est l'histoire de la musique, quoi. Tout se resserre. Johnny Cash, c'est une influence commune ou c'est surtout toi, Patrick? Je sais pas. Moi aussi, ouais. Moi aussi, en vrai. Ouais. Un grand écouteur de Johnny Cash. Non, vraiment pas. T'es pas très country. Non, je suis pas très country. Oui, on peut dire. Bon, faut l'emmener jouer à Saint-Quentin. Puis, bon. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, vous allez jouer en Angleterre. Vous m'avez dit là hors antenne tout à l'heure. Je me posais la question, est-ce que la réception de vos concerts est la même dans les pays anglo-saxons et en France? Et sinon, quelle différence? Tu veux que je déblatère? Non, c'est pas du tout pareil. Je pense que l'appréciation du public est similaire. Mais c'est au niveau de leur façon de nous le faire savoir que c'est vraiment très différent. Je pense qu'il y a une timidité chez le public français à l'idée de... Une réserve. Réserve à l'idée de vraiment réagir de manière externe et peut-être de peur de pas déranger c'est marrant, ouais. De pas déranger ceux qui sont sur scène. Mais du coup, en fait, ça fait qu'on sait pas si le public est à fond jusqu'à la fin du concert où ils viennent nous dire « Ah, c'était super !» Mais ils ne nous l'ont pas fait savoir pendant le concert. En tout cas, c'est souvent le cas. Mmh. On se retrouve devant des publics qui sont hyper timides, hyper silencieux. Ah, c'est vrai, et qui ont franchement l'air de s'ennuyer. Alors que votre musique n'amène pas ça. Bah oui, c'est ça. Plutôt de bouger un peu les guibolles, quoi. Bah ouais. Et pourtant, même si on a l'impression qu'ils s'ennuient, en fait, ils viennent nous voir après et ils disent qu'ils ont adoré. Donc. Alors c'est le cas partout. Vous tournez un peu beaucoup en France ou c'est plutôt le cas dans notre région? Je pense que c'est peut-être notre région. C'est peut-être dans notre région. Quand on joue à Paris, c'est pas la même. Ah non, c'est sûr. Quand on a joué en région parisienne, non, c'était pas du tout pareil. Ben oui, je pense que ça, on a un peu cette réputation-là, en fait, autour de l'Orléanais, etc., où, en gros, je me souviens d'un concert de Santa Cruz, on en reparlera après de Santa Cruz, où, les gars avaient dit, les gars, il reste trois morceaux. Il y en a trois. Donc, si vous voulez vous lâcher, c'est maintenant. Et les gens se sont lâchés sur les trois derniers morceaux. Et c'est vrai que j'ai déjà vu souvent que les gens attendent le rappel pour se vraiment se lâcher. Oui, ça m'est arrivé de dire au public, maintenant, c'est notre dernier morceau. Dernière chance. Si vous voulez danser un peu, allez maintenant. Ouais, c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Vous avez joué en Bretagne un peu ou pas? Non, pas encore. Pas nous trois. Non. Patrick, t'as déjà fait des concerts en Bretagne. J'ai fait pas mal en solo dans le temps. Mais on n'a pas encore parti en Bretagne. Ah, je pense que la réception risque d'être un peu différente, par exemple, dans ce genre d'endroit. C'est cool, ouais. Bien sûr. Voilà. Bon. Ouais, on va aller. On y va. Et donc, en Angleterre, ça se lâche beaucoup plus vite. Ouais. Ah ouais. Mais aussi, on fait beaucoup de références à plein de choses. Toi, t'en as repéré. Le public britannique, ils sont plus réceptifs à ça. Ils chopent tout, bien sûr. Ils comprennent les paroles, ils comprennent les samples qu'on utilise. Donc, oui, il y a de ça aussi. Mmh. Ça rajoute un degré d'appréciation, je pense. Oui, bien sûr. C'est sûr. De complicité, quoi. Oui, exact. Ok. Ça va être le choix du morceau. Alors, c'est qui? C'est Amos. Ouais. M83. Yes. Alors, vas-y, explique-nous. Pourquoi ce choix? Il y a un choix, donc c'était rude. Hein. Ouais, bah, honnêtement, j'avais plein d'idées, mais M83, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et en plus, en ce moment, je suis en train d'apprendre le solo qu'on va entendre dans ce morceau-là. Okay. Je suis en train de l'apprendre au clavier, donc je me suis dit, hier, en fait, j'étais en train de travailler dessus, et je me suis dit, ah, mais c'est bien ça, je vais mettre ça, en fait. En fait, tu m'as demandé de le programmer, enfin de le passer pour que tu fasses tes devoirs, en fait. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais en plus, je trouve que M83, il y a un côté très science-fiction qui se rapproche vachement de ce qu'on fait aussi. On a un peu ces mêmes inspirations. Même planète Ah, pas la même planète, mais. Mais même genre d'influence, le cinéma de science-fiction des années 70, 80, voire même plus vieux. C'était pertinent de ce point de vue-là, je trouve. Et ça vous est commun à tous les trois? Parce que les références là sont permanentes en fait. En visuel aussi, quand on joue, on a un décor et un film qu'on projette qui est plein des extraits de tout ce monde en visuel. Et même dans les fringues, dans les casques. Oui, il y a plein de jouets casqués. Ouais, ça c'est assez étonnant. Vous avez jamais été tenté par, je sais pas, mêler vraiment la fiction avec une sorte, je sais pas, court-métrage ou moyen-métrage ou... Ben, on l'a fait avec un clip. Ouais. Un clip. Alors, c'est clip, oui. D'accord. Ouais. On a un clip. Vous avez vu le clip, le King of the Rocket Man? Ouais. Qui du coup reprend les codes des vieux films série B, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec un robot qui marche un peu comme. Exact. Ouais. Ouais. On va faire un film un jour. Allez, c'est sûr. Parce que moi, j'adore ça. C'est sûr. Monter des films, ouais. Ouais. Il y a même E.T. un moment sur le site, non? J'avais cru apercevoir E.T. Ah, sûrement. Il y a plein de références la partout. Lune. Ouais, sur le E.T. Il y a une lune. Le petit vélo. Ouais. Bon. M83, donc c'est un choix d'Amos. Et puis juste derrière, ce sera le deuxième morceau live. Allez. Vous êtes un petit peu là pour ça aussi. Ok. C'est parti, c'est dans The Rocks et ça s'appelle M83. Pareil, je crois que j'ai diffusé ça, mais il y a très très longtemps. C'est parti. Thank you. Amos, ici présent, a eu les doigts qui fourmillaient pendant le morceau. Ouais. C'est vrai. Morceau très cinématographique. Ouais. Ouais. C'est vrai, ah, c'est ça donne envie de s'envoler. Ouais. Mais là, il va falloir atterrir puisque ça va être l'heure du deuxième morceau. Ouais. Un morceau que vous jouez souvent en live aussi, celui-là. Ouais, quand même. Hein. Ouais, mais là, on va faire différemment. Là. Oui, c'est la première fois qu'on le fait comme ça. Ouais. Vous allez tous changer d'instrument maintenant. Exact. Et la Nino se barrer en courant. C'est ça. Reviens, ouais, c'était une plaisanterie. Ouais, non, on va faire un version différent qu'on n'a jamais essayé. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, grande première. Ok, on y va ? Allez, c'est parti. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? A lie in the morning. Hey, hey, and up she rises. Hey, hey, and up she rises. Hey, hey, and up she rises. A lie in the morning. Le cœur vaillant. ça fait plaisir, ça donne du futur au désir de l'avenir. C'est puissant, ça me revient comme un point américain sous la ceinture. Ça donne du futur au désir de l'avenir. C'est puissant, ça me revient comme un point américain sur la ceinture. Dans la piscine, dans la piscine. C'était Dans la piscine, vous aviez reconnu le morceau, hein, forcément, le titre, La piscine plus exactement. Et c'est l'œuvre du groupe Beaubandi qui a sorti un album l'année dernière, et anglo-saxon, et qui revient là avec un EP en français au mois de juin. C'est le groupe, le nouveau projet de Pierre Vital Gérard, qui était le leader de Santa Cruz. Groupe rennais absolument fantastique qui a écumé les routes de France pendant 20 ans avec une musique magnifique. Ils reviennent avec ce EP de 4 titres et donc il m'a fait l'amitié de me l'envoyer en me disant bon, je suis pas super à l'aise avec l'écriture en français, donc est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Et donc j'ai eu la chance de poser l'oreille sur les 4 titres. Il y a un titre qui est un peu plus dispensable que les autres, le single qui s'appelle La piscine qu'on vient d'entendre est vraiment vraiment super. Et il y a deux autres titres qui ne sont pas les singles, qui sont absolument magnifiques, encore meilleurs que cette piscine, qui vont sortir en juin. Donc dès que j'aurai l'autorisation de diffuser tout ça, hop, parce que j'ai ça chez moi, mais bon, pour l'instant c'est top secret, je vous diffuserai. Et puis Beaubandi, si vous pouvez aller les voir en concert, soutenez-les. Et vraiment, l'album était déjà bien, mais alors ce EP 4 titres, la barre du français est allègrement passée. Et donc je lui ai dit, bah oui, ça peut rappeler certains très très bons textes de Bachung. Et il a dit, ah, tu m'as percé à le voir. Je suis assez fan de ce que faisait Bachung. Donc voilà, donc je vous tiens au courant de cette suite de Beaubandi. Et puis peut-être un jour Pierre Vital à nouveau dans les studios. Il m'avait fait l'amitié de faire un morceau pour les 30 ans de l'émission. Et donc peut-être à nouveau bientôt Beaubandi par chez nous. Ouais, allez-y, ça vaut le coup vraiment quoi. Okay. Avec un petit solo de solo de synthé qui était bien aussi là. Ouais. Si t'as rien à faire d'autre. Bon. Et puis juste avant, je vous laisse désannoncer le morceau que vous avez joué avant et nous en dire deux mots. Alors c'est une version différente. Drunken Sailor Blues, oui. Plus lancinante. Oui. Plus. Exact, oui. Lente. Ouais, bah c'est un morceau qu'on faisait déjà plus lent que ce que les gens font d'habitude, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, donc c'est un morceau, enfin c'est hyper, c'est un morceau traditionnel. Oui, c'est ça, c'est un tube. Tout le monde. Oui. Après, on a complètement changé les paroles. Hein. Aussi, ouais. Ouais, ouais. Vous mettez un merdier dans les morceaux, mais on change tout. Ouais. Ouais, mais là, c'est ouais, on a fait un truc plus intéressant parce que c'est un peu bon les paroles. Oui, bon. Alors les paroles pour ceux comme moi qui sont des quiches en anglais. Qu'est-ce que vous dites dans ce morceau? Ben là, nous, on parle de le soldat qui se réveille bourré, qui est envoyé faire la guerre, quoi. Parce qu'ils ont besoin des soldats. Et il revient, bien sûr, dans une boîte. Dans une boîte, oui. La chair à canon. Ouais. Voilà. Voilà. Ok. C'est joyeux. C'est gay. En même temps, les musiques traditionnelles celtiques sont rarement, les chants sont rarement. C'est déjà, oui, hyper triste, déjà, si j'ai bien compris, cette chanson raconte l'histoire de cette chanson, c'est quand il faisait picoler des jeunes mecs pour les faire signer, pour que le jour. Il se lève avec un gueule de bois sur un bateau en train d'aller. En train de partir à la guerre. C'est ça. À la guerre. C'est ouais. ça. Ouais. Oui. Exact. Une bonne technique. Ouais. Okay. C'est efficace, hein, c'est sûr. Bon, bah merci pour ces textes. En parlant de textes, et on avait Bruce Springsteen en ouverture, pas mal. Alors un peu produit à la truelle, le morceau des Waterboys, mais avec l'intervention de Springsteen, pas mal quand même. Springsteen vient de chanter là avec Fogerty, etc. Il a fait un concert à côté de New York où il a chanté. Il a terminé par This Land Is Your Land de Pete Seeger, qu'il n'avait pas chanté depuis très très longtemps, et on ne sait pas par hasard, à mon avis, qu'il l'a chanté il y a quelques jours. Ouais. Bon, ça fait du bien, ça change pas grand chose, mais ça fait du bien quand même. Ouais. On va revenir peut-être à des choses un petit peu plus légères. Nino, c'est ton tour, c'est maintenant, c'est ton choix. Yes. Ouais, je crois que ça a été cornélien. Tu as changé d'avis 27 fois avant l'émission. Au moins, ouais. Bah non, j'étais parti sur du Youssef Days, mais j'ai découvert ce groupe, c'est Moses Youfi Trio. Ah, je connais pas, donc je suis content de découvrir ça. C'est un super trio de jazz, fusion, hip-hop. C'est vraiment super. Et du coup, j'ai choisi le morceau Ocean, tiré de l'EP éponyme. Ouais. Et voilà, c'est vraiment super. Et toi, tu viens plutôt de là? Tu viens plutôt du jazz, de la fusion, etc.? Ou tu écoutes plein de trucs aussi? J'écoute vraiment plein de trucs. J'ai quand même une certaine passion pour le jazz fusion. Surtout pour des batteurs comme ça, assez, on va dire, virtuoses, parce que c'est vraiment le cas, mais c'est pas de la virtuosité comme ça, c'est vraiment ça apporte quelque chose à la musique, et ce trio est vraiment un bon exemple. Alors, puisqu'on parle de trio et puisque j'en ai un devant moi dans la vitre, à quel moment est-ce que vous avez, on va voir si c'est le même d'ailleurs pour chacun, est-ce que vous avez un moment où vous avez senti l'osmose entre les trois qui fonctionnait, où vous vous êtes dit là on tient vraiment le trio et on a notre son, on est bon là? Il y a eu un moment particulier où ça s'est fait petit à petit? Amos il a eu un flash. Moi j'attends toujours. Ouais, c'est toujours en évolution. Oui, c'est toujours en évolution, c'est sûr. Après, des fois il y a des concerts où on sent. Ouais, c'est ça, ouais. Perso, j'en sors en me disant on a été bon et on a été ensemble surtout. C'est ça, il s'est passé un truc quoi. Ouais. Et vous regardez dans ces moments-là, vous avez la même sensation ou ça peut être différent? Par exemple, toi tu sors, Amos, tu te dis là il s'est passé un truc et. Et Nino, ben non, c'était à chier. Oui, c'est toujours ça. Oui, j'ai mal joué. Il dit toujours qu'il a mal joué. Oui, mais c'est syndrome de l'imposteur. Ouais, ça. Complètement. Exactement. Débarrasse-toi de ça, Nino. Ouais. C'est dur. Bon. D'accord. Bon, alors c'est Nino qui joue sur le morceau suivant. Voilà, c'est ça. J'ai une petite pression. C'est son choix. Et juste après celui-là, il y aura un autre morceau live. Ce sera Home Sweet Home. Exactement. très bon morceau, effectivement. Merci Nino pour ça. Mais je suis sûr que même lui, il avait le syndrome de l'imposteur. vous êtes toujours dans On The Rocks. Il nous reste une grosse demi-heure. Ça passe à une vitesse incroyable. Donc ça va être l'heure du troisième morceau. Je vous laisse l'annoncer. Home Sweet Home. Ça fait partie du dernier album, ça? Oui, c'est le quatrième morceau. Cela est morceau. Bien sur le dernier album, oui. Voilà. Ouais. on en reparle juste après. Peut-être je vous laisse les clés et c'est parti. Et... Ah, je suis tombé, ça. Pardon. Mirrors on the ceiling, mirrors on the floor, mirrors on the walls, but I can't see no more. Mirrors on the ceiling, I got mirrors on the floor, I got mirrors on the walls, but I can't see no says, where have you been? And your back's up, up against the wall. A thousand voices screaming inside your head. You can't stay here anymore. But if you walk down that corridor, read all the signs on all the doors. When you find the one that says, perfect world, all the people have got smiles on their faces. All the people in that perfect world, they all come from other places. They all walk down that corridor, read all the signs on all the doors. And when they found the one that said, home sweet home, they all just another day that I'll spend alone thinking. Il y avait de la cavalcade au niveau de la batterie aussi sur ce morceau Secret Pose avec Another Day, c'est une nouveauté. Alors le problème un peu de l'album, c'est que les morceaux se ressemblent tous un petit peu quand même, et ça c'est toujours un peu la même cavalcade, exactement l'inverse de l'album dont on parle ce soir, des Celtic Vagabonds. C'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire qu'on s'ennuie jamais, c'est-à-dire que ça rebondit d'un morceau à l'autre et on n'est jamais dans le même mood, et voilà. Et donc l'agencement des morceaux, alors très beau morceau que vous avez joué juste avant, vraiment, ah, c'était très très classe, qu'on retrouve en quatrième position sur l'album. L'ordre des morceaux, l'agencement, vous lancez le dé ou vous entretuez? Non, on a discuté longtemps pour cela. Ouais, quand même. On savait que I Love God, ça serait le dernier truc de 10 minutes. C'est un peu compliqué de mettre quelque chose derrière, effectivement. Oui, même quand on fait sur scène, on fait à la fin de la set. Et on prie pour pas avoir de rappel. Oui, parce que c'est pas, non, on sort du scène, c'est bon, c'est fini. Non, l'ordre, on a bien... On en a bien discuté, mais je pense qu'il nous a paru assez intuitif, quand même. Ouais. Parce que, effectivement, ça coule bien. Ça fonctionne très bien, en tout cas, à l'oreille. Ouais, très bien, on a fait un bon boulot. Bon boulot, c'est ça. Est-ce qu'il y a des morceaux qui sont arrivés après l'enregistrement de l'album et que vous dites « Ah, ça aurait été bien sur l'album entre tel morceau et tel morceau et... » Alors, du coup, vous rattrapez en live ou... Bon, pas particulièrement, mais on est prêt pour le quatrième album là. Ouais, on est déjà en train de réfléchir au moins à quel morceau on va mettre dessus, un peu la direction artistique dans laquelle on va aller aussi. Alors, C'est différent. C'est encore en discussion, mais ouais, ça va être différent parce que les trois premiers albums là, ils fonctionnent vraiment comme une trilogie. Et je pense qu'on a tous envie de partir dans une direction un peu différente quand même. Alors qu'est-ce que vous laissez et qu'est-ce que vous accueillez? Le rock, on le garde. Ouais. Le Celtic, on rock, abandonne. Non, c'est pas vrai. Le reggae. Le reggae. On garde nos influences, quoi. On fait pas mal les petits clins d'œil à la reggae en live plus que sur l'album. Ouais. C'est vrai que sur l'album, on n'a pas mis Off to California. Non, on l'a jamais. Ah oui, c'est vrai. Il y a un morceau. Je suis déjà sur le prochain album. Il y a un morceau qu'on avait prévu pour cet album-là. On n'a pas mis. Et qu'on n'a pas mis au final parce que ce qu'on a enregistré pour le faire n'était pas. C'était trop. Oui. N'était pas au top. Il y avait un problème batterie. C'était pas au top pour aller au fond de l'idée qu'on voulait. On voulait faire vraiment un truc roots reggae. Et on n'avait pas tous les sons à disposition qui nous permettaient de faire ça. Mais on l'a fait en live. On le fait en live, par contre. Ça va être sur le prochain album. Il va sûrement être sur le prochain album, ouais, c'est clair. Mais il y a un cousinage aussi dans ton chant, plutôt, Patrick, il y a un cousinage avec le punk. T'as un phrasé un peu punk. Carrément. Et forcément, pour ceux qui ont oui les Clash, il y a un cousinage avec le reggae qui est évident très rapidement dans et ça va bien ensemble. Oui. Ça a toujours bien. Souvent, ça a toujours plus bien. Clair en live aussi, il faut venir voir en live parce que là, je suis plus punk sur scène. Mais il y a le deuxième morceau sur ce nouvel album qui est un peu dans la. Lord of the Dance. On a fait une version un peu punk. Qui fait très punk, ouais. Donc là, vous n'êtes pas punk ce soir. Non, calme. Non. Ouais. Alors, on va avoir un quatrième morceau live parce qu'il est 20h10, messieurs. Donc, ça file extrêmement vite. King of the Rocket Man. Ouais. On parlait du clip tout à l'heure. Oui, exact. On a un ami au Pays de Galles. C'était tourné au Pays de Galles quand on était en tournée l'année dernière. Tu es gallois, toi, d'origine. Oui. Ouais. Et on a un ami qui fait des films et il voulait tourner un clip. Alors il a tourné ce clip et allez le voir parce que. Disponible sur YouTube. Où est-ce qu'on peut le voir sur YouTube? Sur YouTube, je crois que c'est tout. Il y a un lien, c'est sur la première page de notre site. Oui, mais site, après, c'est un lien vers YouTube. Passez sur le site d'abord. Allez faire un petit tour sur le site. Carrément. Vous êtes bien accueillis sur le site. Oui, c'est cool. Bon alors, imaginez. Alors, on va essayer de faire fermer les yeux aux auditeurs. Donc avec ce morceau-là, il faut qu'ils imaginent quoi? Ah, pour le clip. L'ambiance du morceau. L'ambiance du morceau, c'est. Je pense qu'il parle de soi. Hein. Je pense que l'ambiance du morceau parle d'elle-même. Voilà. Ok. C'est à eux d'imaginer aussi. Ok. C'est. Oui. C'est un petit voyage dans l'espace. Ouais, voilà. Peut-être. D'accord, ouais. Donc, prenez des provisions. Yophilisé. C'est parti, c'est le quatrième morceau live. Merci beaucoup pour ces morceaux d'ailleurs. Merci. King of the Rocket Man. Trees and all the birds have gone back to where they live. I'll take all the junk I got lying around in my backyard and I'll make myself a little spacecraft. I'm king of the rocket man. Said I'm king of the rocket man. I'm king of the rocket man. Said I'm king of the rocket man. Shooting off into space some afternoon, and with all my friends I'll make a colony on the moon. We're gonna take some chickens, we'll take some cows, and we'll take some tofu for my vegan friends. I'll take my guitar so I can write another song when this one ends. I'm king of the rocket man. Said I'm king of the rocket man. Said I'm king of the rocket man. Said I'm king of the rocket man. Listen to me. C'était un extrait du dernier album, du dernier projet de Fox Warren à l'instant dans The Rock. C'est le side project d'Andy Schoff avec Listen to Me. Vraiment un morceau fantastique, je trouve. Et j'ai écouté deux morceaux du prochain album. Je crois qu'il n'est pas sorti l'album encore et les deux m'ont un peu terrassé de beauté dans deux styles différents. Je vous conseille d'écouter ça. Fox Warren, on en reparlera dans The Rock. Et juste avant, c'était les Celtic Vagabonds avec King of the Rocket Man. Pas le clip, pas les images, mais en tout cas la musique. Et c'était vraiment très très bien. Merci beaucoup pour ces quatre morceaux live, messieurs. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite. Bah oui, mais vous êtes chez vous. Qu'on pourra retrouver sur le site de l'émission On The Rocks, sur ontherocks.net. Dans l'onglet live, vous aurez les quatre morceaux live isolés que vous pourrez réécouter isolément. Et puis l'émission sera dans l'onglet émission spéciale ad libitum, tant que le site ne crachera pas. Il n'y a pas de coupure de courant dans toute la France. C'est ça. Comme en Espagne en ce moment. Oui, c'est vrai en plus. Oui. Ouais. Espagne et Portugal en ce moment. Vous avez de la ressource, je veux dire. Vous pouvez... Acoustique, hop, une guitare et. Voilà. Oui. Ouais. Ouais, oui, ah, ça marche comme ça. Mais après, c'est autre chose avec la vraie batterie et tout. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais j'aime bien l'unplug. On a fait un unplug comme ça sur un bateau sur la mer. Sur une foule, ouais. Super. Ouais, ça c'était vraiment dernière. Très cool. La Chaumont. Unplugged à moitié, hein, parce qu'il y avait quand même le synthé, mais c'était quasiment unplugged. Quasiment unplugged. Est-ce que vous avez des petites dates à nous annoncer maintenant tout de suite, ou est-ce que je vous laisse le temps du morceau pour que vous mettiez vos idées en marche? On a en mai en fait on en a pas mal. Après il y en a pas trop dans le coin à part pas trop autour de Orléans, mais effectivement dans la région centre on a Tours le 7 mai à la guinguette de Tours. Ok, super. On a le festival de la bière, Serré la Ronde. C'est le 25-26. Et sinon, on a une tournée de 3 dates en Grande-Bretagne du 15 au 17, je crois. C'est ça, hein? Oui. Ouais. 15, 16, 17. Ça fait classe. Ouais. Enfin, c'est sûr. Ça fait un peu classe. Bon, et ben quand vous reviendrez jouer aussi un peu par ici, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message que je diffuse allègrement. Ouais, oui. Et puis nous, on va se visiter l'album dans l'émission. Ça, vous n'êtes pas à l'abri. Je vous ai demandé de choisir un titre de cet album et vous avez choisi My Love Is in America. Alors pourquoi ce choix? C'est le patron, c'est Patrick qui a dit ça, et Amos et Nino ont dit « Ouais, putain, c'est bien ça !» Ouais, ben, en fait, là, on a décidé, en live, de ne pas jouer du trad irlandais. J'ai amené que les guitares, on a fait le compo un peu. Et là, c'est un reel traditionnel. Ouais. Fait à notre façon. Oui, c'est mais toujours pas très, pas joué très traditionnel, ça, c'est sûr. Toujours un peu déstructuré. Ça va pour donner vos audiences un petit goût de la côté celtique qu'on fait. Ouais. Bon, bah, c'est parti. C'est tiré donc de l'album qui est sorti. Il est sorti il y a combien de temps l'album? Oula, on a fini hier. Juillet de l'année dernière. On a fini la fin de l'été. Fin d'été. Ouais, c'est ça, c'était juillet, août. Peut-être août plutôt. L'année dernière, hein. Peut-être, ouais. Mais après, le temps qu'il sorte sur les plateformes et qu'on le sorte en physique, en fait, ça a pris un peu de temps, mais il était sorti, oui, on l'a vu, finalisé fin d'été dernier. On voulait finir avant notre tournée et c'était pas tout à fait fini. Non, c'était pas tout à fait au top, ouais. Et alors, le prochain, du coup, il y a une date? Non. Je pense qu'on va commencer à la rentrée. À la rentrée, on va commencer à vraiment travailler dessus. En tout cas, commencer les enregistrements. Et peut-être qu'il sera après. Même époque, l'année d'après. Oh, non. Noël. Plutôt juillet, août, l'année d'après encore. Non. Noël. Oh, le challenge. Noël. Oh, le challenge. Noël. Ça fait cadeau. Ça fait cadeau. Voilà, fait donc cadeau. C'est pour ça que c'est lui le patron. Bon, d'accord, donc commence à enregistrer le 29 septembre et c'est prêt quasiment le 2 novembre. Oui, on est pour les vacances de Toussaint. Ok, bon, et ben, en attendant cet album, on écoute le précédent et voici votre choix. way to be sure. My Love Is In America, c'est tiré donc du dernier album en date des Celtic Vagabonds. Oui. En attendant le prochain, oui. Vous avez toujours plaisir à vous réécouter? Ah, carrément. Ouais. Ah non, là, ça me pique les oreilles. Ah ouais? Ah non, moi j'adore ce morceau-là. C'est un petit bijou. C'est bon, c'est bon. C'est bon. L'un des c'est, moi, je suis à la violon. Ouf. Bah, moi, j'aime bien. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir dans l'émission. Merci beaucoup. Ça va, merci encore à toi. Oui. La porte vous est ouverte. Vous pouvez revenir quand vous voulez, même s'il n'y a pas d'album à défendre. On peut descendre des albums. Ça arrive. Ça s'appelle Quij. C'est les émissions spéciales d'On The Rocks. Si ça intéresse l'un d'entre vous, d'ailleurs, le principe, je vous le rappelle, il y a 3 chroniqueurs qui viennent ici dans les studios, qui viennent du monde de la musique orléanais ou autre. Je leur envoie 4 albums un peu en avance à écouter et bien ils chroniquent les 4 albums, chacun dit ce qu'il en pense, à préparer ça de son côté. Alors parfois tout le monde tombe d'accord, parfois ça fait des petites joutes et des petites guerres. Vous êtes les bienvenus puisque il y a un pas. Moi ça m'intéresse vachement. Ouais. Bah, alors avec grand plaisir, on en parlera en antenne. Et il y a un panel. Alors c'est un peu bouclé là jusqu'à la fin de l'année. Il y aura diffusion en direct de Quij. Les invités seront qui seront Laurent Lhuillier, ex-chanteur des Crybabies, groupe orléanais légendaire, et des Quinks, groupe actuel orléanais. Ouais. Il y aura également David Bost. Les Quinks ont joué juste après nous samedi soir. Ils ont joué avec nous. Ah, au Roxette. Okay. Ouais. Voilà, c'est ça. Et les Quinks, le chanteur des Quinks sera chroniqueur ici même. Okay. Pour la deuxième fois. Et c'est vraiment, si vous connaissez pas les Crybabies, groupe légendaire orléanais. Moi, je connaissais les Crybabies avant de connaître Orléans. C'était le groupe d'Orléans dans les années 90. Okay. Et voilà. Et donc, il y aura aussi David Bost qui sera dans les studios et David Fecknam, qui vient d'avoir chroniqué son album. Et ça, c'est, alors vraiment, ça me fait un grand plaisir parce qu'il attendait un peu ce genre de chronique depuis quelques années dans Rock'n'Folk et dans Rolling Stone Magazine. Donc, vraiment bravo David. Et il sera là pour chroniquer les albums, mais si ça vous intéresse pour un quiz à la rentrée de septembre, n'hésitez pas, on en recause. La semaine prochaine, dans On The Rocks, ce sera une battle avec Sylvain Trémaux des Sucker Fever et le thème sera Rencontre au sommet. Voilà. C'était une rencontre au sommet ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Rivka, notre copine est très talentueuse, chanteuse. Rivka devait être parmi justement le prochain numéro de Quij. Elle a déprogrammé pour raison personnelle. Eh bien, je t'embrasse, Rivka, et on va diffuser ton dernier morceau qui s'appelle Jeanne, que tu m'as fait l'amitié de m'envoyer. Donc, tu ne seras pas dans le prochain Quij, mais tu es ce soir pour clôturer On The Rocks. Merci beaucoup, merci, les gars, et bonne tournée en Angleterre et bonne suite. Et merci pour cet album qui est vraiment, vraiment top. Merci. Voilà. Merci. Je ne le dis que quand je le pense, donc si je le dis, c'est que je le pense. C'est parti, à bientôt, je vous laisse avec Rivka. Turns into light with your eyes.